fois le plein du poil, ben non. Thank you. Ah bah voilà, Seb, il est là. Je me suis dit que ça va être un bon entraînement.